et sa police. Toute rose vêtue me fait bizarre quand je suis sous nu. Entre dans ma vie. Sa photo et à ce sang que j'imagine tout gros. Y'a des traces blanches sur mon écran. Faut bien que je me lâche de temps en temps. Mon seul sourire est en smiley. Je suis perdu, je sais même plus parler. On me dit qu'il serait temps de voir le jour, mais pourquoi pas y rester pour toujours.